auditeurs, on est bien sur Radio Gamozo dans cette nouvelle édition de Local Connection. Et aujourd'hui, les comptoirs KO qui nous appellent de leur salle de répète. Salut les gars, ça va pour vous ? Nickel, salut, nickel grand. Je peux vous laisser vous présenter Alors bah moi c'est Marcel, donc batteur-chanteur, crieur. Ok. Alors moi c'est Farid, guitare, chant et grosse déconnade. Ok, je vois. Salut, moi c'est Chakos, guitariste et chant. Ok, lourd. Moi c'est Seb Vérol, basse et chant, tout simplement. Excellent. Alors, pour commencer, bah, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Je vais commencer par pourquoi ce nom des comptoirs KO ? Alors, au début, on s'appelait Brainstorming parce qu'on cherchait un nom et on ne savait pas du tout comment s'appeler. Et moi, je suis assez fan de toute la vague KO française des années 80, qui était comme Intersec, Caméra Silence et compagnie. Et j'avais envie quand même d'avoir cet esprit avec ce nom KO dedans. Et un soir, bien arrosé, avec un pote dans un bar, je me suis endormi sur le comptoir, tout simplement. Et du coup, mon pote, il m'a dit, bah, c'est bon, t'as trouvé ton nom, hein, Comptoir KO. Et on a trouvé que ça collait bien. Excellent, excellent. C'est trop bien. et les comptoirs KO, ça fait combien de temps que ça existe ? Depuis 2005. On s'est formé en 2005 avec Marcel, qui était déjà à la batterie. Okay. Moi qui étais à la basse, et notre premier guitariste-chanteur qui s'appelait Gaëtan à l'époque. Et on a commencé tous les trois comme ça, on répétait chez Marcel, à Lérin, dans une maison où il habitait, un petit local de répète bien sympa, avec pas mal de ses potes. Mmh. Une grande époque. Excellent, à l'ancienne quoi. Ouais. On a fait trois ans comme ça, avant de rencontrer Chakos qui a pris la place de voilà. Gaëtan. Ok. Voilà. Parce qu'on essaie déjà avec Marcel depuis une paire d'années... collège, lycée, etc. Et du coup, ouais, voilà, ça s'est fait tout naturellement depuis 2008, ouais. Peut-être depuis deux ans, on a un quatrième membre, deuxième guitariste qui arrive. Ouais, ok, excellent. Depuis deux ans, nous voilà à quatre désormais. Trop fort. Et vous avez peut-être dans l'idée de que ça s'agrandisse encore ? Non, pas du tout, non. Non, vous êtes bien là ? Les quatre sont fantastiques. Voilà, faut déjà se supporter, donc encore non, pas plus de personnes. On faut essayer de border la quatre déjà. Une cinquième personne et ça serait vraiment trop le chaos. Ouais. Je vois. Vous avez toujours eu envie de faire du punk ? Moi personnellement oui. Mm-hmm. Et Marcel, Paris aussi, tu me diras. Moi j'écoute du punk depuis le berceau en gros. Et puis, écoute, je suis passé par le métal, par le hip-hop aussi, beaucoup de fusion. Dans mon groupe infréquençable aussi, ça a pas mal tourné. Et puis voilà, comme le punk, ça a toujours été un petit peu dans mon sang en fait. Donc quand mon cousin Seb, parce qu'on est cousins, m'a proposé de rejoindre le groupe, ça a été un grand oui direct quoi. Je vois, excellent. En plus c'est une histoire de famille, c'est top. Oui, chaque fois, on est tombé dedans un peu par hasard, hein. Un peu par hasard, et du coup, ouais, nous, c'est vrai que c'était plutôt toute cette vague 90, grunge, metal aussi, avec Pantera, etc., voilà, nos influences, et on a grandi comme ça. Ouais. C'est à cause du Vérol, en fait, hein, si on est tous tombés là-dedans. Ah bah moi, c'est lui qui a ramené le punk au métal. Un peu les deux, quoi. C'est moi, lui qui a ramené cette culture. Bon, c'est surtout lui qui a ramené cette culture vers nous, quoi. Mais bon, voilà. Quand même un peu. Je vois. Qui permet de développer énormément de choses musicalement, voilà. Mais ça a toujours fait partie de nos racines, à nous quatre, en fait. Voilà. Vous auriez envie de faire peut-être un autre style ? Ça vous brancherait de faire quelque chose d'autre ? Ou vraiment, c'est le punk et le punk à fond, quoi ? Bah, Farid, lui, il a un fréquençable qui est plus basé... C'est de la fusion, en fait. Ok. Parce que moi, j'aime bien aussi brasser un petit peu différents styles. Mm-hmm. Et donc, écoute, oui, il y a un fréquençable, on a déjà pas mal tourné, on a fait la première partie de l'OFO, là, avant toutes ces histoires de merde, chez Narcisse. Excellent, ah oui, d'accord, ok. Ouais, voilà. Et puis, on a d'autres premières parties qui devaient arriver, C.D. Larsen, Death Moscow Brigade, tout ça a été mis en stand-by. Mais moi, c'est vrai que j'ai toujours aimé mélanger allègrement les styles musicaux, même si mes racines sont punk. Je suis beaucoup tombé dans le metal par la suite et dans le hip-hop, donc effectivement, j'essaye de fusionner mes références, quoi, en fait. Ok, faut voir large un peu. J'ai aussi un autre groupe, franco-suisse, la Bad Nasty, et on fait du street punk, chant en anglais. C'est pas la même chose que Comptoir, mais ça reste dans le punk. Ok, ouais, je connais bien Bad Nasty en plus. Cool. J'écoute cool. Un petit peu. T'as de bon goût. merci beaucoup. Musicalement, ça parente pas forcément punk non plus, quoi. C'est un espèce de mélange, un melting pot de plusieurs influences. Hein. De plusieurs influences, mais qui navigue en gros dans la culture punk, mais par rapport à Bad Nasty, qui est vachement plus punk que Contour, par exemple. Quoi. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Après, le punk, c'est tellement éclectique entre les Clash et Casualties, il y a une salle ouais, voilà. Ouais, voilà. C'est sûr, c'est assez, c'est assez large, quoi. Il y a de quoi t'éclater, voilà. Quoi. Moi, je sais que pour ma part, ce qui a servi dans Comptoir, et qui fait partie des influences, moi, c'est plutôt, oui, ces groupes hardcore, comme tu dis, Casualties en exemple, quoi, voilà. Voilà. Petite question, quelles seraient vos influences, genre les groupes de punk qui vous ont marqué à fond, quoi? Justement, comme je te dis, voilà. Moi, je suis un peu plus bourrin comme influence dans le punk. Je citerais Discharge, Exploited, les premiers Dead Kennedys aussi, des choses qui tapaient quand même un peu plus, quoi. Un peu de Ramones également, c'était le. Moi, j'écoute de tout. Je suis un gros fan de la voix. La voix 77 anglaise, ce qui était Clash, Buzzcocks et compagnie. Et j'écoute aussi des trucs beaucoup plus. Beaucoup plus hardcore, hein. Genre Virus, Unseen, tous ces groupes-là, il y a tellement de choses à écouter dans le punk que c'est vrai que tu trouves, malgré ton humeur, tu trouves toujours quelque chose à écouter. On a un terreau fertile. C'est clair. Eh ben écoutez les gars, je vous propose qu'on s'écoute Travailler Plus des Comptoirs KO, si ça vous va. On vote oui. Allez, on envoie. Et on est toujours sur Radio Game of Thrones. Qui a écrit ce son, les gars? Alors, c'est moi. C'est moi et Vérole qui a écrit le texte. J'ai écrit la musicale et Vérole le texte. Ok, d'accord. En parlant de ça, votre méthode de travail, vous faites comment pour écrire vos sons? Vous mettez tous ensemble en brainstorming et puis... Voilà, bah forcément, Marcel, en tant que batteur, bon, c'est difficile, hein, mais bon, il va s'adapter à tout ce qu'on fait. Mm-hmm. On se partage donc beaucoup au début. Hein, donc Farid a apporté aussi des nouvelles idées depuis, des riffs. Et donc beaucoup Vérole et moi qui apportons des idées, quoi, des morceaux presque déjà vraiment finis dans notre tête. Et après de là on développe, on rajoute, on enlève certains trucs, quoi. Je chacun vois. Ramène sa petite patte derrière qui voilà. Fait le morceau embelli, quoi. Voilà. Yes, je vois. ça serait presque même pas intéressant si finalement il y en avait qu'un qui portait le tout, quoi. Ouais, bah ouais, je vois. Enfin, le principe du groupe, faut que ça vienne du groupe. C'est ça, un groupe, c'est pas une personne. Exactement. C'est un avant fou, quoi. Exactement. Y a-t-il des artistes, des groupes qui vous ont motivé dans vos instruments que vous jouez actuellement? Qui ouais. vous ont motivé à jouer de vos instruments, par exemple? Moi, personnellement, la batterie, j'ai été élevé avec Pantera, on va dire, en ouais. Philippe, l'énorme yeah. batteur. Yes, yes, yes. Lui m'a énormément influencé à la double pédale, notamment. Mm-hmm. Et ça a été, ouais, non, ça a été une énorme influence. Pantera, okay. énormément influent. À la batterie. Moi, je dirais à la guitare. En fait, ce qui m'a vraiment lancé, parce que je gratouillais déjà sur pas mal de morceaux punk à l'époque, mm-hmm. notamment sur des reprises des Thématiques ou les Berus, des choses comme ça, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est plutôt moi la vague trash, Exodus, les premiers Metallica, ouais, Megadeth. Ouais. Je vois. Des choses comme ça qui m'ont donné envie vraiment de trop sonner la guitare, en fait. D'où l'intérêt que j'ai porté aussi à la Flying, au son que ça avait, au son que je restais. À l'heure actuelle, quoi, en fait. Ok, trop fort. Voilà, moi, comme qui dirait en tant qu'âme perdue, tu vois, eh ben, Nirvana, tout simplement, et Kurt Cobain. Ok, je vois, je vois. Je vois, je vois. Et du coup, voilà, quoi, c'est tout. Tu grandis avec ça, avec toute l'influence des années 90, et voilà, ça forme, c'est ce qui a formé mon truc, quoi. Souka, souka. Ben moi, gamin, forcément, quand j'avais 12-13 ans, j'étais fan des Pistols. Yes. Et puis, ben, l'attitude, les photos avec la base, les civilisés et tout ça, m'ont vachement... Ok. J'ai ça super classe. Je vois. Et après, ben, les Clash, hein. J'adore Paul Simon. Et je trouvais ses lignes de basse magnifiques. Yes. Et j'adore tout son de basse, tous les groupes que j'écoute, en général, ont des bassistes. Genre Rancid, tu vois, gros fan de Rancid. Mm-hmm. Matt Freeman, pour moi, c'est le killer. Ah ouais, ouais. Et c'est tous ces groupes-là qui m'ont donné envie de jouer de la basse. C'est Red un peu, même pas. Moi, c'est Red, les musiques. Ah bah, l'ami, oui. Vous avez mis combien de temps avant de faire des concerts? Genre, le groupe s'est formé, vous avez mis combien de temps avant de vraiment... Alors, si on peut appeler ça un concert, je pense que oui, parce qu'il y avait quand même pas mal de monde. Notre premier concert, c'était l'anniversaire d'un pote avec d'autres groupes. Mm-hmm. Et deux mois. En deux mois, on avait repris trois morceaux. J'avais un groupe avec Gaëtan à l'époque. Et on avait fait 3-4 compos, on avait joué 20 minutes, quoi. Et c'était okay. notre premier concert, donc deux mois après la formation du groupe. Ça allait assez vite, Julie. Excellent. Ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, quand je suis arrivé là, c'est qu'il a fallu deux mois, justement, ouais, entre le temps de tout rattraper leur set et de faire notre premier concert. Oui, c'était passé deux mois après mon arrivée aussi, tu vois. Ouais. Donc en fait, on s'adapte très vite et ça fonce. Et disons, comme Vérol avait déjà, avec son ancien groupe, plusieurs relations, plusieurs contacts et ainsi de suite, ça a été très rapide pour trouver des flancs. Ouais. Normalement, il avait déjà un carnet de reste qui était déjà bien chargé, bien rempli. Ouais. Donc nous, une fois qu'on a eu 10 morceaux, 10 compos, on n'avait plus qu'à se lancer. C'est ce qu'on a fait. On n'a pas arrêté depuis. Yes, trop fort. Quel était votre plus gros concert? Bah, The Casal Suisse, c'était pas mal, The Casal Suisse. Avec les Casu, ouais, bon, c'est pas le plus gros, parce qu'on a fait des festivals genre Vive le Punk, GBH. Mm-hmm. Il y a été un gros festival en Bretagne, là, c'était énorme. Quoi. Ouais. Ça a commencé en début d'après-midi jusqu'à tard dans la nuit, il y avait une trentaine de groupes, c'était vraiment bien. Quoi. Terrible. Et quel serait le concert qui vous aurait le plus marqué? Il y en a tellement qu'il y a chaque concert a son petit truc. Quoi. Ouais, ouais. Mais que tu joues dans un gros festival ou un petit bar, t'as toujours des petites anecdotes qui restent. Après, c'est sûr qu'il y a 10 ans, on a fait une tournée au Québec, et celle-là ne sera jamais marquée dans nos mémoires, quoi, parce que c'est la première fois qu'on partait aussi loin, ouais, qu'on prenait l'avion pour partir en concert et tout, et ça nous a... On a senti... En plus, les Québécois sont magnifiques, des gens extraordinaires. Et on a resté 12 jours là-bas, c'était génial, quoi. C'était vraiment génial. Ouais. Excellent. Et je l'ai pas noté cette question-là, mais comment vous êtes allé jouer au Québec? Un pote qui connaît un pote qui connaît un pote, et puis ça part. On en discute une fois bourré à la sortie d'un concert. Si je vous fais jouer au Québec, est-ce que vous venez? Ben, t'as qu'à nous inviter et on viendra. Bah, il l'a pris au moment, il nous a organisé, il nous a trouvé des dates là-haut, il nous a dit si vous voulez, vous prenez l'avion et je vous organise voilà. Et c'est parti comme ça, c'est parti d'une fin. Ça s'était passé au mois de mars 2010 à l'autre canal en plus. Ouais. C'est pour le gros festival des 10 ans de Canal Ikari, tu vois. Voilà, ouais. Et effectivement, donc un an après, on partait, mars 2011. Quoi. C'était magouillé. Ouais. C'est surtout grâce à notre ami Marmotte de Cri d'Alerte, en endroit, si jamais il écoute l'émission. Voilà. Ouais, c'est... Ouais, c'est des concours de circonstances. Quoi. Excellent, quoi, c'est trop fort. Bah, du coup, j'allais vous demander une de vos anecdotes de concert, une petite cool, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Oh là, on en a beaucoup. Chaud. Bah, le principe, vu qu'on s'en souvient jamais, c'est con quand même. Alors, si, les gars, une anecdote de concert énorme quand on est allé jouer en Bretagne, ça faisait très peu de temps que j'étais avec vous. Mm-hmm. Qu'on a quand même Laurent, le gratteux des Berrues, qui est venu nous voir dans le bar où on jouait. Oui. On a fait l'after et toute la soirée avec Laurent des Verruriers Noirs, et là je veux dire qu'on était au kiff total. Et c'était ton premier concert. C'était mon premier concert, voilà. Avec les Comptoirs. Voilà. Laurent qui vient me féliciter, on a fait pote-pote, on s'est échangé les t-shirts en fin de soirée, et ça a été un grand moment, quoi. C'était un bon concert. C'était un grand moment. Incroyable. Vous me collez des frissons, les gars. D'anthologie. Incroyable, vous me collez des frissons, les mecs. Ouais, dis donc. Non, tiens, on va pas manger. Ah, j'ai la chair de poule. Les gars, je vous propose qu'on se mette civilisation, ouais, des comptoirs. Une chanson gay. Histoire voilà, de remotiver les trous dans cette merdique, tu vois, ça va être bien ça. Bon, en fait, je pense ça. On va dire. Allez, on y va. Et on est toujours sur Radio Gamozo avec les Comptoirs KO. Hey, alors les gars, je voulais vous demander, la méthode de travail, c'est la même du coup pour ce son-là? Ah bah ouais, depuis le départ, ouais. Ouais, c'est toujours... Alors, que ce coup-ci, la civilisation, c'est moi qui écris la musique et c'est Marcel qui écrit les paroles. Ok. Voilà, on également les textes, en fait, on fonctionne toujours le même délire, quand même. Chacun amène ses idées. Multi-usage, les mecs. Quelles seraient vos inspirations en général? Pour la composition. composition des morceaux, tu veux dire? Pour la composition des morceaux, eh ben en fait, le dégoût de tout ce qui se passe, le dégoût de la vie en général, grossièrement, pour pas paraître pessimiste, mais... L'actualité aussi. L'actualité. Ouais, ça traite sur l'actualité. Voilà. Je vois. En essayant d'apporter quelque chose d'assez enrichissant, pas écrire des choses tout à fait bateau, anarchie, brûler tout, tu vois, voilà. Essayer d'imager un peu tout ça en même temps. Et un peu pessimiste quand même, quoi. On a pas les textes les plus joyeux du monde. C'est une réflexion qui est aussi liée à un courant culturel, quoi. Je veux dire, si on a choisi cette voie, c'est qu'on a aussi des choses à dénoncer sur ce qui se passe autour de nous. Bien exactement. Sûr. Exactement. Et qui permet aussi en même temps nous d'évacuer un peu tout ça. Tu deviendrais fou, quoi, tu vois. Ah bah si t'es pas assez armé, voilà, quoi. C'est clair. Qu'est-ce que vous préférez, les concerts ou les festivals? Les deux. Moi, ce que j'aime, c'est jouer. C'est ce que j'allais dire. Tant que vous jouez, c'est bon, quoi. C'est aussi agréable de jouer pour 6 personnes que 6000 personnes. Voilà, de toute façon. Tant que la vibe et l'énergie sont là et repassent de la scène. Ouais. Du moment où c'est quand tu joues, que tu fais un concert, ne serait-ce que c'est une seule personne à qui t'as fait plaisir, t'as déjà du plaisir. Et puis après, on a surtout envie de jouer pour des gens sympas. Parce que tu peux faire un concert de 6000 personnes dans une énorme salle, si les organisateurs sont des cons, tu vas passer une mauvaise soirée. Je vois. Si les gens sont sympas, on peut jouer comme dans une chambre, on peut jouer dans un zénith, on passe. Ouais, voilà, le but, c'est aussi de belles rencontres et tout, et une bonne dynamique toujours. J'ai un peu une préférence, moi, quand même, ouais, pour les trucs un peu plus, on va dire, restreints, parce que tu communiques mieux, t'as un peu la proximité, tout le monde est dans la même ambiance. L'ambiance est plus hardcore. Moi, je suis assez friand. Quand dans un bar, t'as les gens à la même hauteur que toi. Il n'y a pas de séparation entre le public et l'artiste, quoi. C'est... La communion est quasi instantanée. Bien sûr. C'est ça. Moi, je préfère aussi les petits bars, quand même, pour les concerts. Je préfère aussi ce genre d'ambiance-là. Ah ouais. Qui produit vos CD? Est-ce que vous avez des collaborateurs à ce niveau-là? Oui, depuis le début, on va dire qu'on a eu la chance d'avoir Canal Hystérie qui nous a beaucoup aidé dès le démarrage. Ok. S'en est suivi de Pavé Music Works, Maloka, Anarkoï, Funker, pas mal de labels, et Ronce Record qui nous a vraiment vraiment aussi beaucoup aidé depuis quelques années maintenant, hein, depuis à peu près 6-7 ans, hein, tout à fait. Ouais. Salut Tortue, donc bisous. On a la chance, je pense que les deux labels qui nous ont aidé dès le départ et suivi, voilà, c'est vraiment Canard, Ronce et bien sûr Maloka aussi, je dirais les trois plus gros qui nous ont vraiment aidé depuis le départ. Ok, excellent. Est-ce que là vous avez dans l'idée ou dans le projet carrément de faire de refaire des albums? Bah on est dessus là. On est dessus. Vous êtes dessus. Voilà. Excellent. On est même bien dessus car normalement on commence l'enregistrement du nouvel album le mois prochain. Ah ouais, excellent, super. Donc ça précise. On va dire comme on fait plus de concerts, on a profité pour créer de nouveaux morceaux. Pour créer de nouveaux morceaux, comme on a la chance d'avoir une salle de répète qu'on a pu utiliser depuis maintenant plus d'un an, on va dire chaque semaine, on a composé, arrangé, ainsi de suite. Allez, pour vous mettre le... voilà, ce sera un album 10 titres. D'accord. On a la chance d'avoir notre ami Marco, guitariste chanteur de Capricorne, ancien guitariste de Stéroïde, Marco Blastingues, qui nous a fait une super belle pochette. Donc ça va envoyer au niveau de la pochette et du visuel, ça va déjà bien bien déchiré. Yes. Et puis plein, il y aura plein de surprises dessus. Il y aura des invités. Ça. Ah, excellent. Donc, on a fait ça va chier. Voilà. Ça marche. On n'en dit pas plus. Voilà. Ok, ça marche, pas de problème. J'ai une autre question qui n'est pas dans mon... que j'ai pas noté. Mais en parlant de ce qui se passe en ce moment-là, est-ce que les confinements et toutes ces conneries-là vous ont aidé dans la création? Ça nous a apporté du temps pour pouvoir composer Clairement, quand t'as plus que ça à faire, ça se développe, ça se travaille, ça s'enrichit, Comme on n'a pas pu exprimer notre musique sur scène, en fait, on est parti sur un processus créatif. Bah voilà. Moi, Farid, comme je venais de rejoindre le groupe, en fait, ça nous a permis aussi vraiment peaufiner, nous connaître, apprendre à jouer ensemble. Et puis voilà, moi j'ai ramène, en fait dans mon jeu je grossis un peu le son, donc il a fallu aussi qu'on équilibre un peu tout ça, quoi. Ça a été très, en fait en gros ça a quand même été bénéfique ce confinement, je trouve. Oui, toi. Parce qu'on a un an, tu vois, le confinement a commencé il y a tout bonnement un an, ouais. Et en un an, tu vois, on va enregistrer le mois prochain. En gros, on avait quand même mis en un an un album sur pied. Voilà. Eh ben c'est, après, c'est excellent. Et même la cohésion, au sein du groupe, même aussi, faire les concerts, faire la maquette, faire tout ça. Est-ce qu'il nous permet... Bon, on n'empêche pas que les concerts nous manquent. Hein. Ouais, évidemment. Ah bah... Et voilà, et ça nous a permis d'éviter en fait les mêmes erreurs que sur des morceaux précédents. Se précipiter. Se précipiter et regretter des fois, tu vois. Et du coup, là, on a... Voilà, on a pris notre temps et on n'avait plus que ça à penser, finalement. On a tout maquetté, tout enregistré, on s'est réécouté, on a rebossé les morceaux. Et du coup, cet album, ce sera l'album le plus travaillé qu'on ait jamais fait. Chose qu'on n'avait jamais faite, quoi. Bah, tu vois, c'est... ça a quand même un petit peu de positif, toute cette connerie. Bah, voilà, vous tirez le bon côté de cette période à la con, quoi. Exactement. C'est toujours bon de sortir du positif, du marasme ambiant. Non mais quand on voit qu'il y a des tas de groupes qui ont, ça fait un an qu'ils n'ont pas joué, qu'ils n'ont même pas répété, on est un petit peu chanceux là-dessus. Quoi. C'est ça. On n'a pas perdu notre temps et on en a même profité, donc c'est vraiment, on a de la chance. Eh ben c'est super, c'est top. Eh ben écoutez les gars, c'est déjà la fin de cette édition de Local Connection. J'étais avec les Comptoirs KO, un grand merci d'avoir pris du temps sur votre répète pour moi. Merci à toi de t'intéresser à nous, ça fait plaisir. Merci. Et je vous propose qu'on se quitte sur Punk et Fier. Allez, toujours. Allez, on va voir. Ça va, ciao. Ciao. Bien tendu.